Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous sommes à lui, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage.